الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وخالق السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفوته من خلقه وخليله، إمام النبيين وسيد المرسلين، بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Et la fin heureuse est certes destinée aux croyants. Et il n'y aura de reproche que pour les injustes. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Le Créateur des premiers et des derniers. Et le Seigneur des cieux et de la terre. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Sa créature élue et son ami privilégié, l'imam des prophètes et le plus noble des messagers. Il a transmis le message qui lui fut confié et il fut loyal envers ses engagements et il prodigua de sages conseils à la communauté. Allah éclaira ainsi les ténèbres dans lesquelles les gens erraient. Les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. Ô Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà et accorde-lui ta bénédiction à lui ainsi qu'à sa noble famille, ses nobles compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Amma ba'du fa inna asdaq al-hadith kitabullah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في هذا الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ensuite, certes, la parole la plus véridique est le livre d'Allah Azza wa Jal. Et la meilleure des voies à suivre est la voie de Muhammad صلى الله عليه وسلم. Et la pire des choses est la nouveauté. Toute nouveauté dans la religion est innovation. Toute innovation mène à l'égarement. Et tout égarement mène à l'enfer. Ayyuha al-ikhwatul kiram. Ceci est notre 35e rencontre. Parmi les rencontres de cette noble série, Silsilatu marahil ad-dar al-akhirah. Étape vers la demeure dernière. Une série dans laquelle nous avons traversé les étapes qui mèneront le serviteur vers sa demeure éternelle. Et nous avions certes évoqué lors de notre dernier discours le sujet du rassemblement Al-Hashr, sa définition et la manière avec laquelle les gens seront rassemblés vers Ard al-Mahshar, vers la terre du rassemblement. selon toute leur diversité et toutes leurs catégories. Nous avions montré par la grâce d'Allah Jalla wa Ala les tourments et les afflictions qui toucheront les gens sur la terre du rassemblement. Et nous avions également affirmé qu'Allah Jalla wa Ala fera rapprocher un soleil autre que le soleil de Dunya. Autre que le soleil de Dunya, il fera rapprocher un soleil d'une distance d'un mile de la terre des créatures et le makhlouqat. Les gens seront alors dans un tracas énorme. La préoccupation grandira alors. Ils seront ainsi confrontés à une énorme angoisse et à une énorme crainte et à une énorme peur. Et ils seront touchés par une soif affolante alors. Mais il demeure des actions. Mais il y a des actions, ayyuha al-ikhwa. Si le croyant les accomplit, si le croyant les effectue, il sera épargné et il sera sauvé des difficultés et des tourments, des afflictions et des souffrances du jour de la résurrection. Et la base de ces actions, ayyuha al-ikhwa, le fondement de ces actions n'est autre qu'al-iman billahi tabaraka wa ta'ala. La croyance en Allah Jalla wa Ala. Al-Iman al-Sadiq al-Kamil. La croyance véridique et complète en Allah, le Seigneur des cieux et de la terre. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit: Inna alladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun. Ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtat anfusuhum khalidun. La yahzunuhum al-faza'u al-akbar. En seront écartés ceux qui étaient précédemment promis de belles récompenses de notre part. Ils n'entendront pas son sifflement et ils jouiront éternellement dans ce que leurs âmes désirent. La grande terreur ne les affligera pas. Na'am ayyuha al-ikhwa. Leur Seigneur les appellera alors. Leur Seigneur s'écriera alors. Leur Seigneur leur dira alors: Ya ibadi la khawfun alaykum al-yawm wa la antum tahzanun. Ô mes serviteurs, vous ne serez point angoissés ce jour-là et vous ne serez point affligés. Qui sont-ils? Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Ceux qui croyaient en nos signes et qui étaient musulmans. Na'am, ceux qui ont eu crainte et ceux qui ont eu peur d'Allah Jalla wa Ala dans le dunya, ceux qui ont eu peur et ainsi qui disaient et qui invoquaient Allah et qui suppliait Allah, et qui demandait à Allah Jalla wa Ala en lui disant: Inna nakhafu min Rabbina yawman abusan qamtarira. Certes, nous avons peur de la part de notre Seigneur d'un jour terrible et catastrophique. Inna nakhafu min Rabbina yawman abusan qamtarira. Et alors Allah exauça leur invocation, et Allah écouta leur invocation, et Allah connaissait leurs véridiques intentions, et il leur dit ainsi en leur faisant leur promesse: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. Et Allah ainsi les protégea donc de ce mal de ce jour-là et il les fera rencontrer la splendeur et la joie. نعم أيها الإخوة الكرام. Et dans le hadith rapporté par l'imam Abu Nu'aym fi al-Hilya et jugé bon par Sheikh al-Albani selon Shaddad ibn Aws رضي الله عنه, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah ta'ala a dit: Wa izzati wa jalali, par ma puissance et par ma majesté, je ne rassemblerai pas un serviteur de paix ou de crainte. Je ne rassemblerai pas un serviteur de paix ou de crainte. Celui qui aura été en tranquillité dans ce bas monde, c'est-à-dire celui qui n'aura pas eu peur de moi, et qui n'aura pas été angoissé, et qui n'aura pas été plongé dans la crainte, je le ferai peur le jour où je rassemblerai mes serviteurs. Et celui qui avait peur de moi dans le dunya, et celui qui a été plongé dans la crainte et dans l'angoisse, et qui n'était pas en tranquillité et en sécurité, je le mettrai et il sera en paix et en tranquillité le jour où je rassemblerai mes serviteurs. Na'am, ayyuha al-akh, ya Abdallah, ainsi, quiconque aura peur aujourd'hui sera en sécurité demain. Et quiconque se permet d'être en tranquillité et en sécurité et n'a pas peur d'Allah Jalla wa Ala et ne craint pas Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah lui fera peur demain. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et ton Seigneur n'est point injuste envers les serviteurs. Et la peur quant au jour de la résurrection, la crainte quant au jour du jugement, se doit d'être traduite en action. La crainte, ayol ikhwa, et la peur se doit d'être justifiée en acte et en comportement. Regardez ce qu'Allah nous dit. وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. Et quand sais-tu? Peut-être que l'heure se rapproche. Peut-être que l'heure de la résurrection est proche. Et Allah nous dit dans un autre verset, يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا. Ceux qui ne croient pas en cette heure, ils désirent qu'elle se hâte et qu'elle arrive le plus tôt possible. يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ. Tandis que ceux qui croient, ils ont peur et ils sont dans la crainte de cette heure. Et ils savent que c'est la pure vérité. أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. Et certes ceux qui discutent à propos de cette heure sont certes dans un égarement lointain. Sont certes dans un égarement lointain. Dans les deux recueils authentiques, un homme vint voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda, Ya Rasulallah, quand est-ce que viendra l'heure? Et alors il lui dit, Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, malheur à toi. Certes elle arrivera. Et toi, quoi as-tu préparé pour ce moment-là? Et alors il lui dit, l'amour d'Allah et de son prophète. Et alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, tu seras certes avec ceux que tu aimes. Na'am ayyuhal ikhwatul kiram, il y a ainsi des actions qui sauveront le serviteur des tourments et des afflictions et des difficultés et des douleurs et des souffrances du jour de la résurrection. Na'am ayyuhal ikhwa, et la base et le fondement de ces actions, al-imanu billahi jalla wa ala. La foi et la croyance en Allah tabaraka wa ta'ala, al-imanu sadiqul kamil, la foi véridique et complète en Allah jalla wa ala. Et après cela, la sincérité en Allah. Al-ikhlasu lillahi azza wa jal, la sincérité en Allah, de lui vouer un culte exclusif et sincère pour lui tout seul. Regardez ce qu'Allah nous dit. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ceux qui croient et qui n'ont pas troublé leur quelque foi, la pureté de leur foi par quelque association, ceux-là seront dans la tranquillité. Ceux-là seront dans la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Ainsi, ayyuhal ikhwatul kiram, parmi les actions qui sauveront le serviteur des tourments du jour de la résurrection et qui épargneront le serviteur des afflictions du jour du jugement, ash-shahadatu fi sabilillah, le fait de mourir dans le sentier d'Allah jalla wa ala, le fait de mourir martyr dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Na'am ayyuhal ikhwatul kiram, le martyr dans le sentier d'Allah sera certes en sécurité lorsque les gens seront affolés et apeurés. Le martyr dans le sentier d'Allah sera certes en paix et en tranquillité lorsque les gens seront effrayés et tourmentés. Na'am, regardez ce que nous dit Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Al-Imam al-Tirmidhi et par Al-Imam ibn Majah et authentifié par Sheikh al-Albani dans son livre Mishkat al-Masabih. Selon un compagnon du nom de Miqdad ibn Ma'di al-Karib. Ibn Ma'di al-Karib, radiallahu anhu. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, le martyr possède auprès d'Allah six qualités. Le martyr possède auprès d'Allah six qualités. On lui pardonne pour la première goutte de sang versé. Et il verra sa place au paradis. Et il ne subira pas les châtiments de la tombe, et il sera en paix le jour de l'Faza'il Akbar, le jour du grand sursaut. Il ne subira pas les châtiments de la tombe, et il sera en paix le jour du grand sursaut, al-Faza'il Akbar. Et on lui mettra une couronne de dignité sur sa tête. L'une des perles de sa couronne est mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Et il sera marié avec 72 houris parmi les femmes du paradis. Et il intercédera en faveur de 70 des proches de sa famille. Telle est la récompense du martyr dans le sentier d'Allah et Azza wa Jal. Et ainsi il sera sauvé et épargné des tourments du jour de la résurrection. Parmi les actions qui sauvent et qui échappent également le serviteur. Quant aux tourments et aux épreuves et aux tourments du jour de la résurrection, ayyuhal ikhwa, le fait de surveiller les frontières d'un pays musulman contre l'ennemi. Fi sabilillahi ta'ala, regardez ce que nous dit le messager d'Allah alayhi salatu wa salam dans un hadith rapporté par l'imam al-Tabarani avec une chaîne de transmission authentifiée par Cheikh Al-Albani selon Abi Darda, radiyallahu anhu. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Surveillez les frontières d'un pays musulman, fi sabilillah, dans le sentier d'Allah, jalla wa ala, meilleur que jeûner toute la vie. Meilleur que jeûner toute la vie. Et si la personne meurt en train de surveiller fi sabilillah, il sera en sécurité quant au tourment du grand sursaut Al-Fazir al-Akbar. Et il recevra des biens et des odeurs du paradis. Et il possédera et on lui accordera l'équivalent de la récompense de celui qui surveille un pays jusqu'au jour où il rencontrera Allah Jalla wa Ala. » Parmi les actions également qui sauvent le serviteur du jour de la résurrection et des tourments et des afflictions de ce jour, ayyuhal ikhwa, le fait de soulager les difficultés et de dissiper les misères de ton frère musulman. Le fait de soulager les difficultés et les misères de ton frère musulman, comme ceci a été cité dans un hadith rapporté dans le recueil authentique de l'imam muslim, selon Abi Huraira radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui dissipe à un musulman une situation affligeante de ce bas monde, Allah lui en dissipera une le jour de la résurrection. Et celui qui met son frère musulman dans l'aisance dans ce bas monde, Allah le mettra dans l'aisance dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et celui qui couvre le défaut d'un musulman, Allah le couvrira dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et Allah ne cesse d'être aux côtés de son serviteur tant que son serviteur est aux côtés de son frère. Et Allah ne cesse d'être aux côtés de son serviteur tant que ce serviteur est aux côtés de son frère. Ainsi dissiper les misères et les difficultés de ton frère musulman et Abdallah te permettra d'être épargné et d'échapper aux tourments et aux difficultés et aux afflictions du jour de la résurrection. Ce qui sauve également le serviteur des tourments du jour du jugement, ayyuhal al-ikhwa, le fait de juger dans la droiture, la justice et l'équité. Wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil-'adl. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. Et lorsque vous jugez entre les gens, jugez avec droiture, jugez avec équité, jugez avec justice. Certes, quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Et certes, c'est Allah celui qui voit tout et qui entend tout. وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Et lorsque tu juges entre eux, juge avec droiture. Certes, Allah aime les justes. Ainsi, le fait de juger avec équité et droiture, ayyuhal ikhwa, permettra au serviteur d'être installé et hébergé, ayyuhallah, dans un endroit et dans une place très haute auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah, jalla wa ala, fera asseoir ces personnes et ces gens qui auront jugé avec droiture et équité dans ce bas monde, dans des places et dans des endroits énormes en valeur, ayyuhallah. Regardez ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith rapporté par l'imam muslim selon Abdullah ibn Amr radiallahu anhu. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui jugent avec équité seront auprès d'Allah sur des minbars de lumière à la droite d'Ar-Rahman, du tout miséricordieux jalla wa ala. Et ses deux mains, les deux mains d'Allah sont droites, ceux qui ont été justes dans leur jugement avec leur famille et avec les autres gens. Ceux qui auront été justes dans leur jugement avec leur famille et avec les autres gens. Naam, les justes qui auront jugé avec équité et droiture et justice. Allah Jalla wa Ala les fera asseoir dans des minbars de lumière. Et ils seront à la droite d'Ar-Rahman, Tabaraka wa Ta'ala. Ainsi, Iwallah, quelle place et quel endroit et quel honneur et quelle faveur de la part d'Allah Jalla wa Ala. Pour ces personnes, ayyuhal ikhwatul kiram. Et une autre catégorie également, ayyuhal ikhwa, seront préservés et sauvés et protégés des tourments du jour de la résurrection. Al-mu'addinoun. Ceux qui appellent à la prière d'Allah Jalla wa Ala. Ceux qui élèvent leur voix pour appeler à la meilleure des adorations d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Regardez ce que nous dit Al-Habib al-Mustafa. Sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam muslim, selon Muawiyah ibn Sufyan, radiyallahu anhu ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ceux qui appellent à la prière auront le cou le plus long le jour de la résurrection. Ceux qui appellent à la prière auront le cou le plus long le jour de la résurrection. Les savants ont dit, les gens de science ont dit, en parlant de ce hadith, le fait que leur cou soit long représentera pour eux une beauté. Constituera pour eux une beauté. Et la récompense est proportionnelle à l'œuvre effectuée. Comme ils ont élevé leur voix pour appeler à la meilleure des adorations d'Allah Jalla wa Ala, Allah élèvera leur cou le jour de la résurrection. Et ainsi les gens les environs et les jalouseront de leur beauté qu'ils auront. Parmi les actions également, et également dans le recueil authentique d'Al-Imam Al-Bukhari, un jour Abi Saïd ibn al-Khudri s'adressa en disant à Abd al-Rahman ibn Sa'sa'a radiallahu anhuma, je vois que tu aimes le bétail et l'endroit où vivent les bédouins. Alors certes, si tu es avec ton bétail et si tu es dans la plaine et que tu appelles à la prière, hausse ta voix lorsque tu appelles à la prière, car il n'y aura aucun djinn ou un humain ou autre chose qui n'entendra cet appel sans qu'il ne soit témoin pour toi le jour de la résurrection. Ainsi, tout ce qui entend l'appel à la prière dans cette vie et dans ce bas monde témoignera pour El Mu'addin le jour de la résurrection. Et ainsi, ceci sera la cause pour lui d'être sauvé et tourment, et d'être sauvé et épargné des tourments et des afflictions du jour de la résurrection. Ayyuha al-ikhwatul kiram, ayyuha al-ahbab, ayyuha al-muslimoun, lorsqu'Allah Jalla wa Ala mettra en place et placera ce soleil et qu'il le rapprochera d'une distance d'un mile de la tête des créatures al-makhlouqat, la chaleur sera énorme, wallah, et la sueur et la transpiration s'accroîtra, ayyuha al-ikhwatul kiram. Le supplice deviendra alors énorme. Et une catégorie de personnes choisies par Allah Jalla wa Ala sera éloignée de cette chaleur. Une catégorie de personnes choisies par Allah Tabaraka wa Ta'ala sera épargnée et sauvée et ne sentira pas cette chaleur et ses douleurs et ses souffrances. Telles sont plusieurs catégories que le prophète alayhi salatu wassalam nous a décrites, comme dans le hadith rapporté dans les deux recueils authentiques d'Al-Imam Al-Bukhari et l'Imam Muslim. Selon Abi Hurayrah radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, sab'atun, sept catégories, sab'atun, seront placées sous l'ombre d'Allah le jour où il n'existera aucune ombre excepté la sienne. Sab'atun, sept catégories seront sous l'ombre d'Allah, fi dhillillah, yawma la dhilla illa dhillu, le jour où il n'y aura aucune ombre excepté la sienne. Et il cita, sallallahu alayhi wa sallam, al-hakim al-adil, le gouverneur juste, wa shabun nasha'a fi ta'atillah, et un jeune qui aura grandi dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, et un homme dont le cœur aura été attaché aux mosquées, ورجلان تحبا في الله فاجتمعا عليه وتفرقا عليه, et deux hommes qui se sont aimés pour Allah et ainsi ils se sont réunis pour lui et ils se sont séparés pour lui. ورجل دعته امرأة ذو منصب وجمال فقال إني أخاف الله, et un homme qui a appelé une femme qui avait une place haute dans la réputation et une beauté, mais il dit, je crains Allah. Et un homme qui donna une aumône si discrètement que sa main gauche ne sut pas ce que donna sa main droite. Et le dernier, ayol ikhwa, un homme se rappela d'Allah Jalla wa Ala lorsqu'il était isolé et il pleura par crainte d'Allah Azza wa Jalla. Cette catégorie qui seront épargnées et sauvées et qui seront placés dans l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura aucune ombre excepté la sienne. Na'am ayyuhal ikhwa, et il y a un point que nous devons absolument éclaircir, ayyuhal ikhwa, un point qui concerne l'aqida, la croyance, aqidatu ahli sunnati wal jama'a, la croyance de ahli sunnati wal jama'a, lors dans la parole d'al habib al mustafa sallallahu alayhi wa sallam, yudhilluhum Allah fi dhilli, Allah les mettra dans son ombre le jour où il n'y aura aucune ombre excepté la sienne. Il faut savoir et il faut comprendre et il faut croire. Et il faut avoir la conviction et la certitude, ayyou al-ikhwa, que cette ombre n'est pas l'ombre d'Allah, jalla wa ala. Cette ombre n'est pas l'ombre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Car Allah, jalla wa ala, n'a pas d'ombre. Et cette ombre n'est pas l'ombre d'Allah comme le mur aurait une ombre ou comme le bâton aurait une ombre. Pourquoi ? Car cela signifierait et cela voudrait dire que le soleil se trouve au-dessus d'Allah Jalla wa Ala. Et ceci est une chose impossible. Ceci est une chose impossible, ayyou al-ikhwa. Car Allah Jalla wa Ala nous a décrété que c'était celui qui était au-dessus de toute créature. Ainsi, cette ombre, ayyou al-ikhwa, n'est pas l'ombre d'Allah, mais c'est une ombre qu'Allah Jalla wa Ala créera par sa volonté et sa permission et qu'il accordera à ses serviteurs. Fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Dans une ombre, le jour où il n'y aura aucune ombre excepté la sienne. Et ainsi Allah les placera sous cette ombre. Le jour où il n'y aura aucune ombre excepté la sienne. Car ils seront alors dans la terre du rassemblement, comme nous l'avions dit lors du dernier discours. Ils seront sur Ard al-Mahshar, cette terre du rassemblement sur laquelle nous avions dit, ayyou al-ikhwa, dans laquelle il n'y aura ni château, ni palais, ni montagne, ni colline, ni pilier, ni arbre. Personne ne pourra se cacher d'Allah. Personne ne pourra échapper à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ainsi, lorsque le soleil se rapprochera de la tête des créatures, les gens seront plongés dans la chaleur, et les gens seront plongés dans leur sueur et dans la transpiration, et ils chercheront alors l'ombre. Ils chercheront alors à s'assombrir. Mais ils ne trouveront alors que l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura aucune ombre excepté la sienne. Et ainsi, il faudra qu'ils fassent partie de ces sept catégories, ayyou al-ikhwa, sab'atun. Cette catégorie, Allah les placera dans son ombre le jour où il n'y aura aucune ombre excepté la sienne. La première, Al-Hakim Al-Adil, le gouverneur juste. Al-Hakim Al-Adil, le gouverneur juste, tel est le gouverneur juste, ayyou al-ikhwa, qui aura jugé avec justice et droiture entre les gens. Tel est le gouverneur musulman, qui se sera montré juste envers les gens et envers les musulmans. Tel est le gouverneur juste, qui se sera montré équitable et juste envers les gens qui se trouvent sous sa gouvernance et sous son autorité et sous son état. Tel est le gouverneur juste qui aura jugé avec le livre d'Allah et qui aura jugé avec la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tel est le gouverneur musulman qui se sera montré envers son peuple, tel le père envers ses enfants. Tel est le gouverneur musulman qui aura soigné les malades et qui aura suffi à ses pauvres et qui aura nourri ceux qui ont faim. Tel est le gouverneur musulman auprès duquel le fort aura été faible, afin de lui prendre ce qui doit lui être pris, et auprès duquel le faible aura été fort, afin de lui rendre son droit. Tel est le gouverneur musulman, qu'il soit amir, qu'il soit président, qu'il soit ministre, qu'il soit roi. Et ainsi, si ce gouverneur musulman désire être placé dans l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura aucune ombre excepté la sienne, il lui incombe obligatoirement, et il lui faut indispensablement suivre et écouter les gens de science et les savants al-ulama. Il lui incombe obligatoirement, ayyou al-ahbab, de suivre et d'écouter les savants d'al-islam et les prêcheurs d'al-islam. Car, iwallah, les savants d'al-islam sont pour les gouverneurs tels des guides pour les aveugles. Et sont pour les gouverneurs tels des bougies pour les gens plongés dans l'obscurité et la ténèbre. Dans l'obscurité et les ténèbres, iwallah. Et regardez Omar ibn Abdelaziz, rahimahullahu ta'ala, lorsqu'il prit la responsabilité des musulmans, et lorsqu'il prit le gouvernement des musulmans al-muslimin, il envoya une lettre à qui ? À un savant parmi les savants, mais à un grand savant parmi les grands savants, et à un grand éloquent et un grand prêcheur parmi les prédicateurs, ala wa huwa al-Hassan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, il lui envoya une lettre, lui demandant les caractéristiques d'al-Hakim al-Adil. Lui demandant les caractéristiques du gouverneur juste. Et alors Al-Hassan al-Basri, rahmatullahi alayh, lui répondit alors et lui dit, sache que le gouverneur juste est celui qui redresse tout ce qui est tordu, et celui qui s'oppose à tout transgresseur. Sache que le gouverneur juste est-elle le père attentionné envers ses enfants, et est-elle le berger doux envers son troupeau. Il cherche le meilleur endroit pour son troupeau, et il protège son troupeau de tout ce qui pourrait lui nuire. Sache que le gouverneur juste est-elle la mère attentionnée envers ses enfants. Elle tarde et elle veille avec eux, et elle est calme lorsqu'ils sont calmes, et elle les a portés et elle les a enfantés avec difficulté et souffrance. Sache que le gouverneur juste est le protecteur des orphelins. Sache que le gouverneur juste est celui qui travaille pour ses pauvres. Sache que le gouverneur juste est tel le cœur dans un corps humain. Il est tel le cœur dans un corps humain. Si le cœur est en bonne santé, le corps humain le sera. Et si le cœur est malade, le corps humain le sera. Et si seulement ces phrases prononcées par Al-Hassan al-Basri étaient comprises par les gouverneurs et les amirs de nos jours. Lorsque le cœur est malade, le corps humain est malade. Et lorsque le cœur est en bonne santé, le corps humain est en bonne santé. Et ainsi, le peuple et les gens seront guidés et seront dans le droit chemin si leur gouverneur est dans le droit chemin. Et le peuple et les gens seront égarés et déviés du droit chemin d'Allah et Azza wa Jal si leur gouverneur est égaré. Naam, les gens ont la religion de leur gouverneur et les gens ont la religion de leur savant. Et ainsi, s'il a ses caractéristiques et s'il suit les religions, la religion d'Allah et s'il juge avec le livre d'Allah, il sera placé et il méritera d'être placé dans l'ombre d'Allah. Le jour où il n'y aura aucune ombre excepté la sienne. Al-Hakim al-Adil, le gouverneur juste. Wa shabun nasha'a fi ta'atillah. Et un jeune qui aura grandi dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tel est le jeune qui aura été éduqué dans l'adoration d'Allah. Tel est le jeune qui aura été éduqué dans le par le livre d'Allah. Tel est le jeune qui aura été éduqué dans la pureté et l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Naam ayol ikhwatul kiram. Tel est le jeune qui aura passé sa jeunesse en suivant les lois d'Allah et en suivant les jugements d'Allah et le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et Allah tabaraka wa ta'ala a certes été étonné et il s'est étonné d'un étonnement d'istihsan, d'un étonnement de satisfaction envers un jeune qui n'aura pas eu d'attirance mauvaise. Envers un jeune qui n'aura pas eu d'attirance vers les chemins du mal et de l'égarement, afin d'assouvir ses plaisirs, ses désirs et ses passions. Allah s'est étonné d'un étonnement de satisfaction. Et regardez Allah tabaraka wa ta'ala comment il a fait l'éloge de ces jeunes hommes parmi ses serviteurs et ses rapprochés dans son livre sacré Al-Qur'an al-Karim. Regardez ce qu'Allah Jalla wa Ala nous dit à propos des gens de la caverne, Ashabul Kahf. Allah Jalla wa Ala nous dit à propos de ces gens qui ont fui l'association Ashirk afin de garder leur religion et de préserver leur religion et leur tawhid, l'unicité d'Allah. Et ainsi ils se sont réfugiés, ils se sont abrités dans leurs grottes et dans leurs montagnes et dans leurs cavernes. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit en parlant d'eux, Innahum fityatun. Ce sont des jeunes. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ce sont des jeunes qui ont cru en leur Seigneur et nous leur avons augmenté la guidée. Regardez ce qu'Allah a dit en parlant de Ibrahim, son ami privilégié, Khalil ur-Rahman, alayhi salat wa salam, lorsqu'il a cassé les statues de son peuple et lorsque son peuple a décidé et a pris la décision de le jeter dans le feu. Et ainsi il cherchait qui est-ce qui avait cassé ses statues et ses idoles. Et alors Allah Jalla wa Ala nous dit à travers la parole de son peuple, قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَهِيمُ. Nous avons entendu un jeune homme qui parlait mal sur ses statues et il a été dit qu'il s'appelait Ibrahim. Un jeune homme. Et regardez ce qu'Allah Jalla wa Ala nous dit à propos de Yusuf alayhi salam à travers la parole des femmes de Medina. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدَ شَغَفَهَا حُبَّ. Et les femmes de la ville ont dit que la femme de l'Aziz essaye de séduire son jeune valet. En parlant de Yusuf alayhi salam, il était jeune, essaye de séduire son jeune valet, car elle était folle de lui. Inna lanaraha fi dalalin mubin. Et certes, nous la voyons dans un égarement évident. Naam, tels sont les jeunes, ayol ikhwa, qui ont été éduqués dans l'obéissance de leur Seigneur, qui ont été éduqués dans l'obéissance de Rabbil Arbab wa Musabbibil Asbab. L'obéissance du Seigneur, des Seigneurs et de l'auteur de toutes les causes. Ils ont été éduqués par le livre d'Allah et par la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et voici également les compagnons du messager d'Allah alayhi salat wa salam, as-sahaba, qui étaient la plupart des jeunes, tels que Mu'ad, wa Abu Huraira, wa Ibn Umar, wa Ibn Abbas, wa Anas ibn Malik, radiyallahu anhum wa ardahum, et d'autres parmi leurs compagnons. Et ainsi, qu'Allah fasse miséricorde au poète qui nous a écrit ces vers suivants, des jeunes qui ont facilité l'atteinte des hauts degrés. et accepté l'islam comme religion, ils n'ont cherché. Cette religion aura donné une plantation noble, dont les branches auront été avancées. Lorsqu'ils participent à un combat, ils deviennent des lions rusés. Et les citadelles et les forteresses les faisant tomber. Et lorsque la nuit ils n'arrivent, tu ne les vois que prosterner. C'est comme cela qu'Al Islam aura fait sortir ma communauté des jeunes, sincères, libres et en sécurité, et ont appris comment la noblesse et l'honneur devraient être édifiés. Et ils n'acceptent ainsi ni d'être commandés ni d'être humiliés. شباب دللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا إذا شهدوا الورى كانوا أسودا يدكون المعاقل والحسونا وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين كذلك أخرج الإسلام قوما شبابا مخلصا حرا أمينا وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهونا. Les jeunes, ayant l'ikhwa, éduqués par le livre d'Allah Azza wa Jal et dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux jeunes d'aujourd'hui, ayant l'ikhwa, et quant aux jeunes de nos jours, iwallah, et quel pauvre et quel miskin, iwallah, et quel pauvre le jeune de nos jours. Et wallah, et quel pauvre et quel miskin le jeune d'aujourd'hui. Il aura été dupé, il aura été escroqué, il aura été trompé. Les gens l'ont fait dormir, les gens l'ont fait endormir, et l'ont rendu paresseux et feignant, et ils l'ont occupé et distrait par ses plaisirs et ses passions. Naam, le jeune d'aujourd'hui, et wallah, est loin, et il est égaré à Yoli Khwatul Kiram. Et il a été occupé alors par la musique, et le football, et la danse, et le regroupement et le mélange avec les filles. Et ils sont devenus, ma'al asaf, tels des bestiaux d'apparence humaine. Naam, ils ne connaissent rien du livre d'Allah, ni de l'obéissance d'Allah, ni de l'adoration d'Allah. Ils ne connaissent rien de la sunnah du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et ils ne comprennent rien, et ils ne saisissent rien de la biographie des rapprochés d'Allah, jalla wa ala. Ces jeunes n'ont pour but et comme ambition que la belle et la jolie fille. Que le palais et le château surprenant, que la voiture de luxe, ce jeune-là ne pense ni à la mort al-maut, ni à la tombe al-qabr, ni au jugement al-hisab, ni au rassemblement al-hashr, ni au châtiment al-adab. Et ainsi ce jeune ne mérite pas d'être placé dans l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura aucune ombre excepté la sienne. Naam, car il aura tourné le dos à la religion d'Allah, car il aura oublié Allah tabaraka wa ta'ala. Et ainsi, il ne mérite que les brûlures, et la souffrance, et les afflictions, et les tourments, et la chaleur le jour de la résurrection. Fanas'alullah jalla wa ala qu'il nous protège et qu'il nous place parmi ceux qui auront vécu leur enfance dans l'adoration d'Allah jalla wa ala. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Wa shabun nasha'a fi ta'atillah jalla wa ala. Et un jeune qui aura grandi dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa rajulun قلبه معلق في المساجد. Et un homme dont le cœur aura été attaché aux mosquées. نعم أيها الإخوة الكرام. C'est celui qui, lorsqu'il part vers la mosquée pour accomplir la prière à Allah جل وعلا, afin d'effectuer l'obligation qu'il a envers son Seigneur تبارك وتعالى, et qu'il en sort, son cœur reste attaché à la mosquée. Il veut alors revenir à la mosquée. Il veut retourner dans la maison d'Allah, jalla wa ala. Naam, c'est l'homme qui aime les maisons d'Allah. C'est l'homme qui aime les mosquées d'Allah. Il vient effectuer la prière et il repart, mais il ressent encore un désir et un souhait afin de revenir dans la maison d'Allah, jalla wa ala. Pourquoi? Car la mosquée est le lieu de tarbiyah. C'est le lieu de l'éducation. C'est le lieu de l'enseignement. C'est le lieu qui fera obligatoirement sortir le savant al-alim. Et le prêcheur al-da'i, et le professeur al-mu'allim, et le généreux al-karim, et le haut placé, na'am. Allah jalla wa ala a été généreux, et s'est montré généreux envers ceux qui visitent les maisons d'Allah, et envers ceux qui aiment les maisons d'Allah, comme nous le dit al-habib al-mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, pas une personne partant prier et invoquer Allah dans la mosquée, sans qu'Allah ne soit content de sa venue, ne soit content de sa venue, comme est contente la famille lors de la venue de l'un de ses proches. Comme est contente la famille de celui qui s'absente lors de son retour. Allah est content de son serviteur qui se dirige vers la mosquée. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Ibn Majah et Al-Khuzaymah et authentifié par Sheikh Al-Albani selon Abi Hurayra, radiallahu anhu. et ainsi il ne trouve de tranquillité et de sérénité dans son cœur et dans son âme que lorsqu'il se trouve dans la maison d'Allah Jalla wa Ala. ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحبا في الله فاجتمعا عليه وتفرقا عليه. Et deux hommes qui se sont aimés pour Allah. Et ainsi, ils se sont réunis pour lui et ils se sont séparés pour lui. Tels sont deux hommes, ayyuhal ikhwa, qui se sont aimés que pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Car malheureusement, ayyuhal ikhwa, ma'al asaf, aujourd'hui et de nos jours, les relations entre les gens ne sont pas basées sur de bonnes bases et ne sont pas fondées sur de bons fondements. Et ainsi, tu vois que deux gens s'aiment et restent ensemble et se fréquentent que pour un profit et que pour un intérêt personnel. Naam, ces deux gens et ces deux hommes qui bénéficieront de l'ombre d'Allah Jalla wa Ala le jour où il n'y aura aucune ombre excepté la sienne, se seront aimés pour Allah Jalla wa Ala, et non pour un intérêt personnel, et non pour un profit. Car tu vois maintenant de nos jours, des gens qui restent avec des gens, et des gens qui s'assoient avec des gens que pour un intérêt. Ainsi, ils restent avec la personne pour un intérêt de ce bas monde. Et ils traînent avec cette personne pour un intérêt de ce bas monde. Et ils travaillent avec cette personne pour un intérêt de ce bas monde. Mais ils ne l'aiment pas pour Allah Azza wa Jal. Et ils ne l'aiment pas exclusivement pour Allah Jalla wa Ala. Et ainsi, telle est une récompense énorme qu'Allah Jalla wa Ala accordera à ces personnes. C'est pourquoi tu trouves que très peu de relations durent. Et tu trouves que c'est rare que l'amitié perdure entre les gens. Car ils n'ont pas bâti leurs relations sur des bons fondements et sur des bonnes bases. Sur les bases de la religion d'Allah et la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, sur l'amour d'Allah jalla wa ala, et sur la sincérité à Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, deux hommes qui se sont aimés pour Allah, ils se sont réunis ainsi pour lui et ils se sont séparés pour lui. Les relations entre les gens et l'ikhwa de nos jours, excepté ceux à qui Allah jalla wa ala a accordé sa miséricorde, ne sont fondées ni pour Allah, ni en Allah, ni par Allah. Et dans le musnad d'Imam Ahmed, avec une chaîne de transmission bonne selon Abi Malik al-Ash'ari radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: Ayyuhan nas, ô vous les gens, écoutez et raisonnez. Ayyuhan nas, ô vous les gens, écoutez et raisonnez. Et sachez qu'Allah a des serviteurs qui ne sont ni des prophètes et ni des martyrs, qui ne sont ni des prophètes et ni des martyrs, mais les prophètes et les martyrs les environs et les jalouseront. Mais les prophètes et les martyrs les environs, de par leur place et leur rapprochement auprès d'Allah le jour de la résurrection. Et alors un bédouin écouta la parole d'Al-Habib al-Mustafa alayhi salat wa salam, et il fut étonné alors, et il s'adressa à Al-Habib al-Mustafa et il lui dit: Ya Rasulallah, des gens parmi nous, des gens parmi les gens qui ne sont ni des prophètes ni des martyrs, et ceci les environs de leur place auprès d'Allah et de leur place qu'ils auront le jour de la résurrection et de leur rapprochement auprès d'Allah, qui sont-ils? Décris-les-nous, ya Rasulallah. Et alors Al-Habib al-Mustafa sourit, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Habib al-Mustafa sourit et lui dit: alors ce sont des gens parmi les autres qui n'étaient pas d'une même tribu et n'ayant pas de lien de parenté, mais qui se sont aimés pour Allah jalla wa ala. Et puis il nous dit alayhi salatu wa salam: Allah tabaraka wa ta'ala leur accordera alors le jour de la résurrection des minbars de lumière. Ils s'assoiront alors dessus, leur visage sera de lumière et leurs vêtements de lumière. Et les gens seront apeurés alors le jour de la résurrection. Les gens seront effrayés alors le jour de la résurrection et non eux. Ils ne seront pas apeurés le jour de la résurrection. Ce seront ainsi les rapprochés d'Allah, ceux qui n'auront ni crainte et ni tristesse. Tels sont ceux qui se sont aimés pour Allah, et ainsi qu'ils se sont réunis pour lui et séparés pour lui. Allah leur accordera des minbars de lumière, jusqu'à ce que les prophètes al-anbiya et les messagers al-mursalin et les martyrs al-shuhada les environs, de par leur place et leur rapprochement auprès d'Allah Azza wa Jal. Qui sont-ils? Ceux qui se sont aimés pour Allah. Et ainsi, ceux qui se sont aimés pour Allah et qui auront fondé leur relation sur le livre d'Allah Jalla wa Ala et dans l'obéissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala auront le mérite et auront la récompense d'être placés sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura aucune ombre excepté la sienne. Dans le recueil authentique d'Al-Imam Ibn Hibban, selon Ubadat ibn Samit radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah Ta'ala a dit: mon amour est dirigé vers ceux qui se sont aimés pour moi, et mon amour est dirigé vers ceux qui se sont conseillés pour moi, et mon amour est dirigé vers ceux qui ont travaillé pour moi. Ceux-là auront des minbars de lumière que les prophètes et les martyrs et les véridiques environ. Et dans le recueil de l'imam muslim, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wasalam nous dit, Allah Ta'ala dira le jour de la résurrection, où sont ceux qui se sont aimés pour ma majesté? Où sont ceux qui se sont aimés pour ma majesté? Ce jour-là, je les placerai dans mon ombre, le jour où il n'y aura aucune ombre excepté la mienne. Fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilli. Naam, as'alullah jalla wa ala, bi asma'ihi al-husna, wa sifatihi al-ula, an yaj'alana min alladhina yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, wa an yunajjana min fitnati al-adhab, ومن أهوال يوم القيامة إنه ولي ذلك والقادر عليه. Et en tenant ces propos, j'implore le pardon d'Allah pour moi ainsi que pour vous. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام, une autre catégorie également seront sauvés et épargnés des tourments et des afflictions du jour de la résurrection. أيها الإخوة, parmi les catégories dont nous a informé الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم, قال لهم أيها الإخوة, رجل دعته امرأة ذو منصب وجمال. C'est un homme qu'une femme belle et noble, qui avait un haut rang dans la réputation et dans la société, a appelé afin de faire avec lui les turpitudes et afin de commettre avec lui des actes méprisables. Elle l'a appelé, mais il s'est protégé et il a invoqué son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, et il répondit en disant, Inni akhafullah. Certes, je crains Allah Jalla wa Ala. C'est un homme qui s'est trouvé seul, ayo al-ikhwa, et qui s'est trouvé isolé avec une femme belle et tentante. Elle le vit alors, et elle le voulut, et elle le désira, et elle le souhaita. Elle était noble et haut placée, et elle avait de l'argent, et elle était belle, et elle était tentante. Elle le rencontra alors, et elle se déshabilla alors, et elle se proposa à lui. Mais il dit, Inni akhafullah. Inni akhafullah. Certes, je crains Allah. Inni akhafullah, c'est celui qui a suivi et qui a compris la parole d'Allah Jalla wa Ala. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا خيرا أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Ne tends point tes yeux vers ce dont nous avons donné jouissance éphémère à certains groupes d'entre eux comme décor de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Et certes, ce qu'Allah a fourni au paradis est meilleur et plus durable. Et comme nous le dit Youssouf alayhi salam, celui que la femme d'Al-Aziz a appelé afin de le séduire et afin de commettre l'interdit avec lui, Allah Jalla wa Ala nous dit, وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. Or, celle qui l'avait reçue dans sa maison essaya de le séduire. Et elle ferma bien les portes. Et alors furent rassemblées à Youssouf alayhi salam les causes de faire l'interdit pour beaucoup de choses. Il était jeune, et il était fort, et il était beau, et il était illuminé, et il était éclairé, et elle était belle, et elle était tentante, et elle était tentatrice, et elle était la maître, yani la gouvernatrice, c'est-à-dire celle qui gouvernait l'habitation, et elle connaissait le temps des présences et des absences des gens. Tout était proposé, tout était exposé, tout était devenu possible pour Youssouf alayhi salam. وقالت هيتلك. Et elle lui dit, viens, je suis prête à toi. وقالت هيتلك. Viens au lit, viens au plaisir, viens aux satisfactions. Et alors qu'a répondu Youssouf alayhi salatu wassalam? قال معاذ الله. Il dit, certes qu'Allah me protège. إنه ربي أحسن مثواي. إنه لا يفلح الظالمون. Il dit, certes qu'Allah me protège, c'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Et vraiment, les injustes ne réussissent pas. Un homme, Rajulun, une femme l'a appelé, une femme belle et noble, l'a appelé, mais il répondit, je crains Allah, car Youssouf alayhi salam adorait Allah comme s'il le voyait. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, comme nous le dit le poète, si un jour tu te trouves seul, ne pense pas que tu l'es. Mais dis qu'il y a quelqu'un qui te surveilla et ne pense pas un instant qu'Allah est distrait et ceux qui lui échappent n'existent pas. وَإِذَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ فَلَمْ تَقُلْ خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيبُ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَغْفُلُ سَاعَةً وَأَنَّمَا يَخْفَى عَلَيْهِ يَغِيبُ. Lorsque le mari était absent à sa femme pieuse et que son absence est devenue longue et que les nuits devinrent longues alors à elle, elle s'écria et elle récita le poème suivant. Cette nuit est longue et s'est obscurcie, et je désire quelqu'un avec qui jouer. Et oh Allah, s'il n'y avait pas une autre raison que lui, c'est-à-dire Allah, sans quoi les extrémités de ce lit auraient bougé. Mais de peur de mon Seigneur et la pudeur m'envahit, ainsi que l'obéissance de mon mari, un homme qu'une femme belle et noble appela. Un homme qu'une femme belle et noble appela, et il dit, Inni akhafullah. Je crains Allah, tabaraka wa ta'ala, sera ainsi placé dans l'ombre d'Allah le jour où il n'aura aucune ombre excepté la sienne. Et également, ayyuhal ikhwatul kiram, un homme qui donna une aumône, il la donna si discrètement que sa main gauche ne sut pas ce que donna sa main droite. C'est l'homme qui sortit avec son aumône, et il alla loin dans sa discrétion et dans son isolement. Alors que l'âme, de par sa nature, l'âme humaine, désire faire montrer ce qu'elle désire. Et surtout à sadaqa, surtout l'aumône. C'est pourquoi tu trouves qu'Allah Jalla wa Ala dans son livre sacré, Al-Qur'an al-Karim, a fait l'éloge à ceux qui donnent l'aumône discrètement avant ceux qui la donnent ouvertement. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. Ceux qui dépensent de leur richesse de nuit et de jour, en secret et ouvertement. Il a avancé le fait qu'ils le fassent isolé. Et nous en public. Et Allah Jalla wa Ala nous dit également وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. Et ils ont dépensé de ce que nous leur avons octroyé en secret et en public. Et Allah Jalla wa Ala nous dit également إِنْ تُبُدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ. Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est un bien pour vous. وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Et si vous êtes discret avec elles et vous les donnez aux indigents, ceci est mieux pour vous. Ainsi, un homme qui donna une aumône, et il la donna si discrètement, jusqu'à ce que ne sache la main gauche, jusqu'à ce que la main gauche ne sache pas ce que dépensa la main droite. Abu Aisha, rahimahullah ta'ala, ahad al-salaf, nous dit, nous connaissions l'aumône discrète, jusqu'à ce que mourut Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. L'aumône discrète, ayol ikhwa. Et ceci est la cause afin que la personne soit placée dans l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura aucune ombre excepté la sienne. Le fait de dépenser et de donner une aumône aussi discrètement que ta main gauche ne sache même pas ce que ta main droite est dépensée. Ainsi, celui qui aura fait cela et qui aura effectué cela, sincère Allah tabaraka wa ta'ala aura comme récompense d'être placé dans l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura aucune ombre excepté la sienne. Et la dernière catégorie, ayol ikhwa, qui bénéficiera de cet honneur et de cette faveur, un homme qui était seul, un homme qui s'est montré isolé, un homme qui s'est isolé et qui se rappela d'Allah Jalla wa Ala et qui pleura par crainte de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Il était seul et il pleura par crainte d'Allah. C'est un homme qui a fermé ses fenêtres, qui a fermé ses portes et qui s'est assis et qui a pensé, qui a médité, qui a réfléchi, qui s'est rappelé, qui s'est souvenu d'Allah Azza wa Jal, qui s'est rappelé de ce qu'Allah a préparé aux désobéissants, qui s'est rappelé du châtiment d'Allah Jalla wa Ala, qui s'est rappelé de la tombe et du châtiment et des supplices et des douleurs, et il pleura par crainte d'Allah Jalla wa Ala. Na'am, car Allah, il pleurait par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Seul et isolé est une preuve de l'ikhlas ou l'illahi azza wa jal, est une preuve de la sincérité à Allah tabaraka wa ta'ala. Ses larmes coulèrent alors par crainte d'Allah azza wa jal, alors qu'il était loin des gens. Cette larme sortit alors, et comme nous le disent certains poètes, وَلَيْسَ الَّذِي يَجْرِي مِنَ الْعَيْنِ مَاؤُهَا وَلَكِنَّهَا رُوحٌ تَسِيلُ فَتَقْتُرُ. Ce qui coule d'un œil n'est pas une goutte d'eau, mais c'est une âme qui pleure et qui s'égoutte. Na'am. Une larme purifiée de toute ostentation, une larme khalisata, une larme sincère à Allah tabaraka wa ta'ala, un homme qui s'est isolé et qui s'est rappelé d'Allah et qui a pleuré par sa crainte. Car pleurer devant les gens est une chose facile. Pleurer dans le rang des musulmans lors de ta prière est une chose facile. Mais que tu pleures par crainte d'Allah azza wa jal, et que tu pleures par peur de lui tabaraka wa ta'ala en un moment de solitude, ceci est une chose difficile. Et ceci demande une grande sincérité au Seigneur d'Abba Tabaraka wa Ta'ala. Et dans les recueils As-Sunan de l'imam al-Nasa'i, avec une chaîne de transmission authentique selon Uqbata ibn Amirin radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam un jour lui dit: retiens ta langue et que ta demeure te soit grande et pleure sur tes péchés. Et pleure sur tes péchés. Et ainsi nos prédécesseurs As-Salaf al-Salih ont transformé et ont traduit ce hadith en action et en application. Naam. Regardez Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, il riait pendant la journée, mais lorsque la nuit arriva, il remplissait la ville de pleurs. Naam. Ayyub As-Sirtiyani, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il citait un hadith touchant, son cœur s'adoucissait et les rappels lui revenaient et il désirait alors pleurer et il éternuait. Il disait que son éternuement était fort, espérant être sincère à Allah tabaraka wa ta'ala et ne pas montrer ses pleurs aux gens et ainsi être placé dans l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura aucune ombre excepté la sienne. Naam. Et regardez Muhammad ibn Abd al-Munkadir, rahimahullah ta'ala, était une nuit en train d'effectuer qiyam al-layl, en train d'effectuer la prière à Allah azza wa jalla et al-ikhwa. Il pleura jusqu'à ce que sa famille se réveilla car il l'entendit pleurer et on essaya alors de le calmer et on appela alors un autre imam, Abu Hazim, qui ira alors le chercher, un des savants, afin de le faire taire. Et alors il lui demanda: ya Ibn Abd al-Munkadir, qu'est-ce qui te fait pleurer? Et alors il lui répondit: rahmatullahi alayhi, j'ai certes récité la parole d'Allah jalla wa ala, wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun, et leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé. Et alors Abu Hazim se mit à pleurer également. Abu Hazim se mit alors à pleurer et Ibn al-Munkadir se recommença alors à pleurer. Et alors la famille lui dit: ya Abu Hazim, nous t'avons ramené afin de le faire taire et voilà que vous pleurez vous deux et voilà que tu l'as accentué dans ses pleurs. Naam, un homme seul, isolé, se rappelant d'Allah Azza wa Jalla, se rappelant d'Allah Jalla wa Ala et pleurant par crainte d'Allah, pleurant sincère à Allah Jalla wa Ala, faisant couler ses larmes par crainte et par peur de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Telles sont sept catégories, ayyuhal ikhwa, qu'Allah Jalla wa Ala placera et accordera et donnera et placera ainsi dans son ombre. Fi dhillih, yawma la dhilla illa dhilluh, le jour où il n'y aura aucune ombre excepté la sienne. Et il y a certes d'autres catégories qui seront sous l'ombre d'Allah, qui n'ont pas été cités dans ce hadith. Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui donna l'argent à quelqu'un, c'est-à-dire qui a eu une dette envers cette personne, puis cette personne lui dit: je te pardonne pour cette dette, Allah le placera sous son ombre. Celui qui a donné de l'argent à quelqu'un, c'est-à-dire qui a eu une dette envers cette personne devait lui rendre cet argent, mais il lui dit: je te pardonne pour cette dette, Allah Jalla wa Ala le placera dans son ombre, le jour où il n'y aura aucune ombre excepté la sienne. Naam. Ou bien si tu connais une personne qui a une dette, va la lui payer, afin que tu sois placé dans l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura aucune ombre excepté la sienne. Et dans le Musnad de l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique, selon Abu Qatada al-Ansari radiallahu anhu, Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui pardonna à celui qui lui prêta de l'argent sera placé sous l'ombre d'Allah azza wa jalla. Et il y a une autre action avec laquelle les gens seront placés sous l'ombre le jour où il y aura les tourments, le jour de la résurrection, où la chaleur sera intense. Ayyuhal ikhwatul kiram, regardez ce que nous dit Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique: le croyant al-mu'min sera sous l'ombre de son aumône le jour de la résurrection. L'ombre de son aumône, as-sadaqa. Naam, ayyuhal ikhwatul kiram, ceux-là sont ceux qui auront été placés sous l'ombre d'Allah, ceux qui auront été honorés par Allah, ceux qui auront été favorisés par Allah, ceux à qui Allah aura accordé d'être épargnés et d'être sauvés de ses tourments et de ses douleurs et de ses souffrances et de ses afflictions le jour du jugement et le jour de la résurrection. Quant aux autres, ayyuhal ikhwa, et wallah, ils seront tous dans la chaleur, et wallah, ils seront tous dans la chaleur ardente, et ils seront plongés dans un souffle brûlant, dans les tourments, dans les douleurs, dans les souffrances, dans la transpiration, dans la sueur, dans les supplices. Fattakullah, ya ibadallah, craignez Allah jalla wa ala, serviteur d'Allah, accomplissez des bonnes actions alors et écartez-vous des interdits. Et certes, ceux qui seront restés ainsi, afin de lier les discours, ayyuhal ikhwatul kiram, ceux qui seront restés et ceux qui souffriront demanderont alors de boire, demanderont à boire, mais ils ne boiront pas, car ils seront plongés dans la chaleur, ils demanderont à boire, mais ils ne boiront pas à cause de cette chaleur et de cette transpiration et de cette sueur. Et ils partiront alors demander l'intercession à Shafa'a auprès des prophètes al-Anbiya et des messagers al-Mursalim. Et ceci est l'étape sur laquelle nous parlerons bi'idhnillahi azza wa jal lors de nos prochains discours. Et ainsi comme nous les dit le poète: Ama wallahi law alim al-anamu لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأت عيون قلوبهم هاموا وتاهوا، ممات ثم قبر ثم حشر ثم توبيخ وأهوال العظام. ليوم الحشر قد عمل رجال، ليوم الحشر قد عمل رجال وصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. Et والله si les gens savaient, et والله si les gens qui dorment savaient pourquoi ils ont été créés, ils n'auraient pas dormi et n'auraient pas été distraits. Ils furent créés pour une raison. Si les yeux de leur cœur le verraient, une mort, puis une tombe, puis un rassemblement, puis un blâme mérité, puis le jour du rassemblement. Et wallahi, pour le jour du rassemblement, des hommes auront travaillé. Ils ont prié à cause de leur peur et ils auront jeûné. Et nous, lorsqu'on nous ordonne et lorsqu'on nous interdit, comme les gens de la caverne, nous sommes endormis et réveillés. نعم أيها الإخوة الكرام، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يظلنا يوم لا ظل إلا ظله، qu'il nous place dans son ombre le jour où il n'y aura aucune ombre excepté la sienne. إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Je lui demande qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui écoutent la bonne parole et qu'il retienne ce qu'elle contient de meilleur. Ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que tout oubli ou omission ne peut provenir que de moi ou de Shaitan. Et je demande à Allah Jalla wa'ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'il accorde sa bénédiction et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà son noble messager, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière invocation, que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. والحمد لله رب العالمين.